Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Frédéric. Il nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont il a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Frédéric, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce témoignage d'épuisement. Et puis en premier lieu, je vais te demander de te présenter. Donc Frédéric, j'ai 48 ans, je suis salarié pour une entreprise et en fait je suis plutôt sportif on va dire, je suis un homme célibataire et j'ai été victime d'un burn-out il y a 3 ans. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, c'est très bien d'employer le mot victime parce que tout tourne autour du fait de à quel point on se sent coupable d'en avoir été victime. C'est un très bon démarrage de sujet. La première question qu'on va te poser, elle est assez simple, c'est comment pourrais-tu décrire le premier jour où tu t'en es rendu compte en fait? Je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à mon travail, que j'ai allumé mon ordinateur et que je me suis mis à pleurer spontanément. Et en fait, comme c'était à mon travail, c'était plutôt difficile de s'exprimer ou de continuer à pleurer. Et donc je me retenais et entre deux choses à faire, je continuais à pleurer. Et ça a duré ma journée de travail. Et donc là, je n'en pouvais plus en fait à la fin de cette journée. Et j'ai essayé de trouver une solution. J'ai essayé de trouver des solutions hein, parce que c'était pas évident. Et donc ça, c'était la première journée où j'en ai pris conscience. Mais c'était une lente descente. Hein. C'était une très, très lente descente pour arriver à ce stade-là de... On va dire, je dis pas de non-retour, mais où alors là, on se rend compte et on est désemparé. Parce qu'on ne peut pas faire. En fait, c'est le corps qui s'exprime. On ne peut pas... Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui nous arrive. Et donc, là, c'est très, très compliqué. Et c'est très compliqué d'aller voir un supérieur, c'est très compliqué d'aller voir un collègue, et on ne peut pas exprimer parce qu'on est en bonne santé. On est là, on est arrivé à l'heure, on n'a pas fait de faute, mais y a quelque chose qui ne marche plus, c'est le cerveau, et on n'arrive pas à le maîtriser. Et ça, c'est très, très, très déstabilisant. Et j'ai... Sur cette journée-là, il y avait quand même... chez mon employeur, il y avait une affiche pour une psychothérapeute. Et c'est vrai que le jour même, en fait, et j'en pouvais plus. Hein, donc, j'ai pris ce numéro comme une sorte de... On va dire de solutions, j'ai dit fais-le, quoi, faut trouver des solutions, faut faire quelque chose pour pas rester comme ça. Et donc chez l'employeur, j'ai tout de suite appelé en fait la personne. Alors je dis pas que ça a soulagé parce que de toute façon il fallait prendre le rendez-vous etc, mais quelque part j'avais déjà actionné une manette, mais bon j'étais pas sauvé pour autant hein. Mais ça je le savais pas, mais bon après ça a un petit peu aidé à terminer la journée. Voilà. C'est très très intéressant comme tu exprimes ça, parce que tu l'exprimes très clairement, on a l'impression que tu es en train de le revivre presque. Donc c'est vraiment, ça marque, voilà. Maintenant, la question suivante sera une question aussi assez simple, c'est comment as-tu perçu la réaction de ton entourage privé déjà, quand ils t'ont vu dans cet état-là et Voilà. Ou est-ce qu'ils ne t'ont pas vu? Ou en tout cas, comment ça s'est passé? Ah bah, de toute façon, moi, mon entourage, personne ne sait. Donc, parce que bon, y a les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Déjà, il y a un décalage de génération, par exemple, avec mes parents. Donc, mes parents, voilà. Non, non, ils ne peuvent pas comprendre que ce qui... même si... on va dire, quelque part, ils peuvent comprendre une dépression, mais cette situation-là, c'est peut-être, quoi, c'est puissance 10. Donc, on sait peut-être que non, oui, c'est vraiment bien pire, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était... On peut être un petit peu... Mais là, c'était vraiment au ras, à la petite cuillère. Donc, c'était vraiment... Non, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc, avec ma famille, c'était très difficile. Et les amis, bon, tous les amis, ils sont tous dans leur vie et ils peuvent pas comprendre une démarche un peu intérieure, mentale, qui met plusieurs mois à s'installer. Et c'est très difficile à exprimer parce que il y a la situation physique de la personne. Donc avec le, on va dire, moi je pleurais. Donc c'est ça qui m'a totalement. Puis après il y a les songes aussi. Il y a un peu les pensées un peu négatives. Bon, moi j'ai toujours pensé à une corde. Bon, après voilà, on a l'image. Hein. Et quand ça revient tous les jours, c'est quand même un peu compliqué. Et donc on peut pas dire à sa famille, à ses amis, voilà, qu'on pense à ça. C'est pas évident. Et puis, de toute façon, même moi, je veux dire, moi, j'avais pas du tout envie, hein, mais bon, ça revenait quand même beaucoup. Oui, moi, je l'ai pas exprimé. Et c'est vrai que j'ai même été beaucoup plus loin, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal. Donc, j'ai consulté la personne de l'entreprise, mais c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres démarches et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver en fait des professionnels, quoi, des gens qui sont spécialisés, qui savent donner des réponses, qui sont à l'écoute, qui posent les bonnes questions. Et j'ai mis beaucoup de temps et de toute façon, bon, voilà, c'est donc par rapport à ma famille, et mes amis, c'était quand même très très difficile. Et j'ai trouvé les solutions. Et puis je n'ai pas trouvé les solutions parce que je ne suis pas sûr de les avoir encore trouvées 3 ans après. Même si ça va beaucoup mieux, hein, y a pas de problème, hein, quoi, ça va beaucoup mieux. Mais c'est quand même encore toujours un petit peu difficile. Oui, alors je comprends ça. En fait, c'est ce dont on parle souvent dans l'association, c'est la sensibilisation et la formation qu'il faudrait donner aux familles pour qu'ils soient aptes à entendre, aptes à être là, en fait, dans ce cas-là. Et c'est très difficile. Ça fait partie des points très difficiles pour les gens qui sont victimes d'un burn-out. C'est un des points difficiles. Maintenant, la deuxième question qui est en prolongation de ce que je viens de te poser comme question, c'est comment a réagi, mais tu l'as déjà un peu évoqué, l'entourage professionnel par rapport au fait du burn-out, en fait. Ah bah, en fait, eux, ils ont été... ils ont été professionnels. Hein. Ils ont... comme ils avaient une équipe disponible pour les approches psychologiques, c'est vrai que eux, ils ont été super pros. Et après, comme j'étais déjà dans une démarche d'explication pour trouver des solutions, après j'ai encore été voir mon employeur pour travailler moins. Et ça s'est bien passé par rapport à ça. Parce qu'il fallait du repos, quoi. Il fallait, voilà. Mais je ne voulais pas non plus totalement arrêter parce que je ne voulais pas me déconnecter. Parce que j'avais besoin, comme j'étais célibataire, j'avais pas envie de m'enfermer dans 4 murs, quoi. Il me fallait un rythme de vie. Donc, il fallait que j'ai des rituels. Autrement, si tu n'as plus de rituels, tu t'enfermes. Et moi, je voulais m'en sortir. Donc moi, par rapport à mon employeur, ça s'est très bien passé. Il y a quand même beaucoup de difficultés psychologiques, hein, dans les mutations des entreprises actuellement, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui est mis en place pour gagner X pourcentage de 0 centième de je sais pas quoi, ils comprennent bien que c'est pas évident pour les personnes. Et donc, eux, ils sont quand même un petit peu, entre guillemets, organisés, même si ils pourraient s'organiser autrement et en fait éviter le problème à la base, quoi. Même s'ils sont pas forcément à la base d'un burn-out, hein, c'est bien ce que... Voilà. Mais en même temps, il peut y avoir une sorte de prémisse professionnelle, il y a des prémices, on va dire, personnelles, et puis il y a des prémices aussi de la société, il y a de la vision globale de ta vie qui t'emmène en fait dans un burn-out, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon employeur. Oui, donc il y avait ce qu'on appelle des cellules psychothérapeutiques pour s'occuper des problèmes psychosociaux, c'est ça, dans l'entreprise en gros. Voilà. Oui. Nous allons faire une pause musicale avec Auriel, notre pianiste belge, et un morceau qui s'intitule « Bienvenue en absurdie ». Nous retrouverons donc ensuite Frédéric pour son témoignage. Là, c'est effectivement déjà une bonne mise en place de l'environnement. Maintenant, nous, ce qu'on a l'habitude dans cette interview, c'est de passer en revue les symptômes. Parce qu'on se rend compte que chacun a des symptômes différents. Toi, tu nous as déjà parlé des crises de larmes. Alors ça, c'est un des symptômes majeurs dans le burn-out, c'est les crises de larmes. C'est vrai qu'elles sont spontanées, elles ne sont pas calculées, elles sont absolument instantanées comme le dessert. C'est vraiment, hop, on claque dans les doigts et ça vient et c'est comme ça. Et c'est une espèce de fatigue. fatigue. Maintenant, il y a d'autres troubles qui sont des troubles, des douleurs abdominales ou des douleurs musculaires ou aux articulations ou des douleurs dans le dos ou des douleurs à l'estomac, gastro-intestinaux, des troubles alimentaires. Je te laisse répondre à ce sujet. Bah alors après, moi, les larmes, ça a été l'élément révélateur. Ça, c'est vraiment l'élément révélateur. Après, moi, j'ai eu un symptôme qui était aussi... J'avais une boule d'angoisse. Et en fonction de ma vie, des situations, elle revenait, elle repartait. Et des fois, elle restait très, très longtemps. Ça, c'est une boule d'angoisse ou de stress. Je ne sais pas trop. Ça, j'ai quand même réussi à la faire partir. Mais bon, voilà. Et plein le dos... là, le dos, ouais, il a beaucoup souffert. Hein. Ça, j'en avais vraiment plein le dos, c'est le cas de le dire. Ça, c'était après les maux de ventre, les spasmes. Ça, c'est. Ils sont toujours plus ou moins. Voilà, ça, c'est quand même toujours des choses qui arrivent. C'est toujours. Moi, ça s'exprimait beaucoup comme ça. Mais c'est vrai qu'après, on est quand même beaucoup. Avec ces crises de larmes qui ont été l'élément déclencheur, après, j'ai été beaucoup à l'écoute de mon corps. Extrêmement à l'écoute de mon corps, parce que je me dis qu'en fait, il me parle. Et même maintenant, hein, je veux dire, si j'ai un bouton, ou je sais pas, des fois, vous savez, sur la peau, il y a de l'eczéma, où je me dis, bon, je dis pas que ça m'inquiète, mais bon, je regarde quand même, hein, je surveille, hein, je fais attention. Parce que je me dis, c'est cool, il communique, il me parle, et en fait, pour m'alerter, et donc, bon, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est important, mais ça s'appelle les manifestations somatiques. C'est-à-dire que c'est des manifestations somatiques, c'est-à-dire que on va chez le médecin, on lui dit qu'on a des troubles intestinaux, des troubles gastriques, et puis il examine, puis il dit « mais non, vous n'avez rien ». Mais en fait, la personne a quelque chose, mais en fait, elle le déclenche par son esprit, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle des troubles somatiques. Donc voilà, il y a aussi une réduction des défenses immunitaires. Alors, je ne sais pas si tu avais tendance à choper toutes les grippes qui passaient ou non. Non, j'ai une bonne hygiène de vie. Donc, non. Alors là, j'ai toujours fait attention par rapport. Et puis en plus, il y avait le virus. Donc, Donc moi, je faisais attention. Puis j'ai toujours fait attention. Puis il y avait mes petits légumes, mes machins. Donc ça, c'est. Non, j'ai une bonne hygiène de vie par rapport à ça. Et non. J'ai pas eu de problème là-dessus. D'accord. Puis il y a le problème quand même du sommeil. Comment il était le sommeil pendant cette période? Alors. Moi, j'ai un sommeil un peu difficile et en fait, parce que j'ai des rotations, en fait, c'est mon rythme de travail, il est en 3-8 et donc c'est pas, j'ai un sommeil très très assuré, très difficile et comme je suis passé un temps partiel, ça m'a permis de récupérer. Mais par contre, j'ai eu des périodes de sommeil assez importantes où je dépassais 9, 10, 11, 12. Où je dormais beaucoup, mais moi c'était, il fallait récupérer, donc ça s'est mis en branle comme ça. Moi j'ai pas eu de nuits courtes où j'ai eu de la fatigue, mais je l'ai récupéré dans le sommeil, ça se passait bien par contre. Oui, c'est certainement un des points qui, est, à mon avis, fait que la santé générale se remet plus vite parce que le sommeil, c'est récupérateur. On dira ce qu'on voudra, c'est quand même un des médicaments les plus forts de notre corps quand même. Donc voilà, et puis dans les changements dans la motivation, alors on parle de baisse de la motivation professionnelle et de doute sur ses propres compétences. Tu dirais quoi là-dessus? Là, de toute façon, là il y a une recommandation en cause totalement de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de ce que où vais-je, où irai-je, que fais-je, là on remet tout en question. Donc après, moi j'ai un peu tout cassé, hein. J'ai un peu cassé des modèles qu'on avait construits. Donc qu'on avait construit, que mes parents ont construit, que je me suis construit moi-même. Hein. Je ne remets rien sur mes parents sont parfaits. Quoi, voilà, c'est des parents. Hein. Mais donc moi j'ai remis en cause mes modèles. J'ai été j'ai eu une rupture, j'ai beaucoup cassé parce que Alors des fois, c'est vrai que c'était pas forcément les solutions, c'était pas forcément, mais il fallait tellement agir et j'ai pas peut-être agi de la mauvaise, mais ça m'enlevait des problèmes. Mais ça m'enlevait des pas des j'éliminais toutes les mauvaises pensées et donc ça me permettait de ça valait mieux quoi et de passer à l'étape d'après. Et quant à la motivation, est-ce qu'il y avait encore de la motivation parce que tu dis que tu as continué de travailler donc là? La motivation, il y avait pas de motivation pour aller travailler, ça c'est sûr. Il y a plus, après l'employeur ne forcément d'estime de soi, c'est un peu compliqué parce que les employeurs, on n'est pas forcément valorisé, Donc l'estime de soi, elle était très difficile dans mon travail, ça c'est clair. Même si des fois on est satisfait mais, de ce que l'on fait soi, mais après ça vient pas forcément de l'employeur. Alors je voulais dire encore autre chose, c'est que même le travail, en fait, on peut le remettre. Je le mettais de côté pour essayer de me valoriser dans d'autres tâches. Trouver d'autres pôles d'intérêt, voilà. Où tu retrouvais ta valeur. Voilà, c'est ça. C'est des sortes de petites thérapies, quoi, parce que. Par contre, c'est les collègues. Ça m'a aidé parce que rien que de dire bonjour, rien que d'aider les gens, et de se faire aider dans le travail, bien sûr. Bon, on se dit quand même, il y a quand même encore de l'écoute, de la solidarité, même si c'est pour pas grand-chose. Mais un brin d'humanité. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'était c'était important, très important. Oui, alors il y a aussi dans le changement de comportement. Est-ce que tu as eu l'impression de faire un repli sur toi-même ? Un repli, pas forcément. Mais pas forcément. Parce que plus une envie de tout changer. Plus une envie de tout changer pour. Non, mais est-ce que tu avais les mêmes relations sociales ou est-ce que tu les as interrompues par rapport à ça ? J'ai changé mes relations sociales avec les gens, ça, c'est évident. Mais les interrompre, non, pas forcément. Pas forcément. Après, non, je ne les ai pas forcément interrompues. Nous retrouverons Frédéric après une petite pause musicale avec Auriel et les rêveries de Lao Tzu. Et puis, est-ce que tu as eu des attitudes impersonnelles, comme on peut voir, détachées, négatives, cyniques, dans un sens, à un moment donné, dans la fatigue, on a cette espèce de cynisme, de détachement, de... Ah oui, oui, on a une sorte de détachement, mais c'est même un peu une vision du monde où, alors là, c'était un peu paradoxal, c'est vrai que des fois, on peut avoir le sourire aux lèvres en regardant des situations et on ne le comprend pas forcément. Et ça, oui, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai bien vécu. Mais c'est pas dans une sorte d'euphorie même. C'est ça qui était assez dans une sorte d'euphorie. Mm-hmm. C'est assez amusant. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu des comportements qu'on pourrait considérer comme agressifs avec des personnes autour de toi, disons que tu ne te sois pas reconnu en tant que tel, que c'était pas ton habitude d'être comme ça, quoi. Non. Pas forcément, parce que en fait non moi j'étais plus dans l'écoute ou dans la quête de solutions, donc là les personnes avec qui j'interagissais en fait je prenais tout ce qu'il y avait à prendre. Donc non j'essayais au contraire d'être courtois, on va dire. Alors, tu nous as expliqué que tu as vu une thérapeute, mais tu ne nous as pas dit si tu as vu des médecins, si tu as été avec des médicaments, comment tu as vécu ça. Voilà. Ça, c'était peut-être mon erreur. Alors, je n'ai pas été voir de médecin. Bon, parce que, en fait, comme j'ai une petite hygiène de vie, on va dire, moi, je ne voulais pas de Xanax ou de machin, ou je ne voulais pas qu'on me fisse une saloperie. Un opioïde ou une saloperie, quoi. Et donc, j'ai pas été voir de médecin. Et c'est vrai que ça, le médecin généraliste, c'est peut-être une erreur. Parce que être diagnostiqué, ça aurait peut-être déjà. Moi, j'ai fait mon auto-analyse. Et c'est pas forcément. Et peut-être que lui, il m'aurait orienté dès le départ sur les bonnes personnes, sur les bons thérapeutes, sur d'autres, une autre vision. Moi, j'ai vu que les médicaments chez le médecin généraliste. Je me suis dit, il va m'assommer. Et c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Et ça, c'était une erreur. Ça, je reconnais. Et bon, après, c'est ce que je pense parce que. Et peut-être qu'il m'aurait orienté vers les bonnes personnes. Il n'y a pas que des médecins généralistes qui filent des ordonnances. Donc, il m'aurait peut-être orienté vers ce que vers ceux chez qui j'ai trouvé des vraies solutions. Mmh. Oui, des thérapeutes. Voilà, c'est ça. Il ouais. Y a aussi tous les comportements, tous les troubles cognitifs qu'on peut imaginer. Donc, au moment où tu as eu ces crises de larmes, où tu étais vraiment dans le fond du trou, on va dire ça comme ça, hein, on va pas se mentir, est-ce que tu as eu des troubles de la mémoire ? Non, j'ai pas eu de troubles de la mémoire, non. Le style, être obligé de tout marquer, sinon tu te souviens de rien 2 heures après, quoi. Les petites to-do listes. Non, mais ça, c'est... Si, les listes. Non, mais après, ça, les listes, les pertes de clés. Les pertes de clés, ça, c'est un truc de folie. Trouble de l'attention aussi. Je pose un papier, 5 secondes après, je cherche le papier, quoi. Ouais. Oui, il y avait quand même des moments, trouble de l'attention, trouble de la mémoire, quand même, oui. Là, oui, on n'est plus. Et ça, c'est de la concentration. C'est terrible. Mais la difficulté à être dans le moment présent. Énorme. Ça, c'est vraiment oui. Ça, c'est énorme. Et puis sur les fonctions exécutives, c'est-à-dire sur ton travail, est-ce que tu peinais dans ce que tu devais faire ou bien? Alors, j'ai eu des grands moments de fatigue. J'ai eu des grands moments de. Mais avant même de travailler, c'est un truc de fou. Hein. Je l'ai mal vécu à un moment parce que je me suis dit, t'es un petit vieux. Parce que bon, voilà, je dis pas que je suis dans la force de l'âge, mais bon, normalement, ça fonctionne bien. Voilà, c'est vrai que là, avant même de commencer, j'étais déjà fatigué. Et ça, c'est très, très, très difficile à vivre. Et puis c'est épuisant parce qu'en fait on arrive, on est fatigué et qu'on a fini notre travail, et ben là on est encore plus fatigué. Et ça c'est un truc. Et donc là après il faut récupérer, donc dormir. Bon, déjà t'as un atout essentiel, c'est que tu dors, toi. tu peux déjà être très content. C'est un atout très positif. Maintenant, dans ce qu'on appelle les troubles psychiques, on a ce qu'on appelle de l'anxiété intense, c'est-à-dire de l'agitation anxieuse, soit avec un débit de parole qui submerge, soit on est complètement dans un espèce de tsunami de pensées, soit en tout cas on est pris dans des pensées qui tournent à 300 à l'heure, en gros. Ah bah le singe fou qui voilà. Le singe fou dans la tête. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu, que j'ai encore régulièrement. Après, je bosse en m'échappant, en partant, en me baladant, en faisant du yoga, du tai chi, des choses un peu comme ça, pour arriver à restabiliser un peu l'esprit. Nous allons attendre Auriel avec Flashback et ensuite nous retrouverons Frédéric. Thank you. est-ce qu'il y aurait eu de l'irritabilité? Tu avais des moments, quand justement tu as eu ces crises, enfin quand tu t'es rendu compte de tout ça, de l'irritabilité, c'est-à-dire que vraiment, toute personne que tu croisais, tu l'aurais massacrée, quoi, en gros. Non, ça, ça va. Non? Non, non, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Bon, on a parlé de la chute de l'estime de soi, ben ça, oui, je pense que tu l'as vécu. Oui, ça, c'est vraiment, oui. Ouais. Et bon, après... Même encore maintenant, parce que bon, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des palliatifs, mais après, je pense que pour vraiment, il faut se redécouvrir. Mmh. Et donc, là, c'est le boulot que je fais actuellement. Mmh. C'est quoi, le travail que je fais un petit peu sur moi-même actuellement. Voilà, on va encore voir un truc, ce qu'on appelle la réaction, nous on appelle ça la réaction dépressive, c'est-à-dire que c'est pas une dépression, hein. Puisqu'on était des gens quand même actifs, motivés et tout, mais que tout d'un coup, on a une espèce de on n'est pas franchement dépressif, mais on a un état un peu de tristesse, quoi, en gros. Est-ce que tu l'as vécu, ça? Bah ça, je le... Ça... Ça, je l'ai vécu beaucoup, avec des moments, des hauts et des bas. Donc, bon, moi, j'arrive à m'échapper. Et donc, c'est ce qui me permet... d'arriver à me sortir de mon marasme. Mais ça, on va parler de l'après, c'est-à-dire. Mais là, j'aimerais quand même que tu nous répondes sur un point que j'aimerais quand même qu'on mette en avant, parce que ce principe du burn-out, on le prend quelquefois à la légère, mais je pense qu'il est important qu'on en parle et qu'on en discute. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle le désespoir, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de la corde. Et ça... Il faut quand même bien comprendre que ce dysfonctionnement hormonal dû à la fatigue, à l'épuisement, amène quelquefois à des idées vraiment étranges. Ben, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, en fait. J'aurais jamais imaginé. D'ailleurs, je ne l'ai jamais compris, en fait. Comment les gens, ils arrivaient à des choses comme ça, sur un instant. En plus, c'est ce qui est... moi, sur le suicide, je me suis toujours dit, mais comment on peut arriver à faire quelque chose comme ça? C'est toujours... Il y a toujours des solutions aux problèmes. C'est vrai que c'est toujours ce que j'ai plus ou moins pensé. Il y a toujours des solutions aux problèmes, c'est des problèmes temporaires, ça va se solutionner, le temps arrange tout. Oh, j'avais des phrases toutes faites pour tout ça. Ça, c'est... Et ça, et en fait, bah non. Mais non, parce que moi, j'y pensais tous les jours. Donc, et c'était une solution. Et en même temps, quand tu vois pas l'avenir, quand tu vois pas d'avenir, tu te dis bah, pourquoi continuer, c'est nul. Quoi, je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tous les jours se ressemblent. Pourquoi continuer? Et là, tu te dis. Bon, finalement, oui. Et en fait, le seul truc qui m'a retenu, c'est parce que je imaginais les réactions de l'entourage. Mmh. C'est rigolo et je leur ai jamais parlé de ce que je vivais, de ce que je ressentais. Mais les imaginer tristes parce que j'étais parti, c'est ce qui m'a tenu la tête hors de l'eau. Paradoxalement. Mais c'est très important d'exprimer ça et de l'exprimer et justement de le dire, parce que c'est effectivement un point sur lequel il faut être très clair, parce que les personnes qui souffrent, qui sont victimes d'un burn-out, entre autres par exemple les agriculteurs, il y en a quand même un qui se suicide par jour. C'est quand même assez hallucinant quand même quand on y réfléchit. Les internes en médecine, pareil, il y en a un tous les deux jours. Enfin bref, c'est assez phénoménal. Donc effectivement, l'avoir vécu comme tu l'as vécu, ben, c'est bien, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a raccroché, en tout cas peut-être voilà, l'amour des proches ou quelque chose d'important. La vie, tout simplement. La vie, voilà, mais c'est important d'en parler. Nous allons écouter Terre et Racine de Auriel. Thank you. Alors maintenant, on va partir sur quelque chose de peut-être plus joyeux. J'aimerais que tu nous dises le après, parce que maintenant, on peut considérer que tu as démarré un après. Eh ben, le après, il est en construction. Donc après, comme je dis, c'est pas après pas. Et puis on avance doucement. Et après, on se fait aider. Et en fait, dans le dialogue et puis dans les rencontres avec les thérapeutes, dans une remise en soi de sa vie, hein, et puis de ses objectifs. Parce que c'est vrai que des fois, on se met des objectifs un petit peu élevés et en fait, on peut quand même vachement simplifier le truc quand même. Faut arrêter, quoi. Donc, simplifier, être un peu rationnel. Et puis se faire aider. C'est vrai que moi, ma boule qui revenait, quoi. Bon, j'avais réussi à la faire partir un peu tout seul, mais des fois elle revenait, je me dis oh merde. Et là, je l'ai fait enlever avec un hypnothérapeute et ça a pris une heure, quoi. Donc tu te dis, il m'a bien aidé, le vivant, quand même, hein, en une heure. Et donc là, c'était un peu formidable pour moi, hein, parce que ça m'a libéré un peu. Après, il faut encore continuer, il faut quand même faire attention, hein, parce que bon, je suis toujours un peu quand même. Il faut quand même toujours être vigilant. Ton rythme de travail a changé. Je suis toujours en 3-8, mais comme je suis à temps partiel, j'ai quand même des grandes périodes de repos, et puis quand je me suis aménagé quand même beaucoup de repos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, moi je me dis qu'après tout, pour se reconstruire, il faut quand même beaucoup de temps, et beaucoup de temps pour soi. Et même si quand je reviens, je suis content de revoir les collègues parce que pareil, ça fait toujours plaisir, mais je suis aussi beaucoup. J'ai besoin de temps pour me retrouver. Tu voyages beaucoup maintenant. Bah voilà. Donc après, comme ça me sort de mon truc. Mais, il faut être quand même vigilant. Et puis après, toujours voir des thérapeutes, puis lire, s'instruire aussi, des fois un petit peu plus sur d'autres choses, en fait. Sur d'autres visions, d'autres. Et puis d'autres témoignages, un petit peu comme on fait là. Pour arriver à comprendre un petit peu des mécanismes, puis dire qu'en fait on n'est pas tout seul aussi, hein, que finalement en fait il y a plein de gens comme nous, mais on ne le sait pas parce que pareil on s'exprime pas et c'est paradoxal, mais on vit tous plus ou moins la même chose sans le dire, et alors qu'on pourrait s'aider. C'est paradoxal. Tu mets de l'eau à notre moulin parce que nous, on dit qu'il faudrait qu'on obtienne le plus de témoignages possible pour que justement les gens se retrouvent et puis justement le dédramatisent. Parce que oui, c'est quelque chose de très difficile, c'est très dur, c'est beaucoup de souffrance intérieure. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si extérieurement on ne le montre pas, intérieurement c'est une grande souffrance, se voir... On va pas se mentir, se voir être diminué dans sa capacité d'être, on va dire, au travail ou socialement, ou enfin sa capacité d'être. Ça a été un peu le gros problème, en fait, de se donner, pas des objectifs de vie, mais simplement une raison de continuer à avancer. Et ça, c'était un peu les difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait diminuer ses objectifs, en fait, et puis prendre plaisir. Prendre plaisir à des choses tout à fait banales, tout à fait basiques. C'est pour ça que je suis parti. Hein. C'est pour ça que partir ailleurs, pour voir d'autres choses, être sur les pas d'autres personnes, des fois... réfléchir à d'autres chemins de vie, et c'est ça qui m'a un peu permis de me retrouver des buts et pas des ou des raisons de vivre, c'est ça, c'est plus pas des buts, une raison de continuer à avancer. Voilà, bah écoute, on te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et puis, bah, il n'y a pas tellement d'autres choses. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose de particulier ? Bah, moi, je voulais te remercier. C'est gentil, merci. Parce que j'ai répondu très spontanément à ton invitation, parce que je trouvais que c'était... Ça permettait de faire aussi ma petite thérapie. Et ça permettait aussi de témoigner. Et de dire, bah, y a des solutions. Il faut changer l'angle de vue. Il faut mettre en place 2-3 schémas. Et s'entourer. On arrive à remonter, quoi. On arrive à remonter la pente. Et il fallait absolument que je témoigne, moi. Oui, mais je pense que ce que tu dis me fait très plaisir. Bon, c'est pas plaisir personnel, mais plaisir dans le sens que je suis profondément, alors j'aime pas trop ce mot, convaincue, que plus on en parle, plus les personnes s'expriment, plus on... Je dis pas qu'on dédramatise, mais je reprendrai un proverbe, je crois, soufi. Il me semble que c'est une... Mais c'est triste comme proverbe, mais je le trouve assez juste dans la circonstance-là. C'est une maman qui a perdu son enfant et qui va voir Bouddha, ou je ne sais pas qui, en fait. Je ne sais plus si c'est un soufi ou quelqu'un d'autre, et qui lui dit, écoute, vraiment, je suis triste. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que je ne peux plus vivre et tout. Il lui a dit, écoute, ce que je peux faire, c'est... Je te laisse aller taper à toutes les portes dans le village... dans la ville à côté, et tu demandes à chacun s'ils ont perdu quelqu'un de proche. Voilà, c'est tout ce que je te dis qu'il faut faire. Alors elle va. Elle revient quelques mois après, elle dit, écoute, je vais beaucoup mieux parce que je me suis rendu compte que tout le monde, à tout le monde y arriver, quelque chose de grave comme moi, et que je ne suis pas... voilà. Et qu'ils m'ont donné de la force et du courage. Donc je pense qu'en partageant des témoignages, on peut se donner de la force et du courage entre nous. C'est-à-dire que les personnes qui ont vécu ça, à un moment donné, se dire oui, ben voilà, l'autre, il a trouvé ses solutions, moi j'en ai d'autres solutions, mais bon, voilà, on n'est pas des moutons noirs, quelque part. On est des êtres humains, tout ce qu'il y a de plus habituel, quoi. Simple. Avec ses faiblesses, puis ses forces. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Ben, merci beaucoup, ben voilà. Catherine. Ben, merci Frédéric. Et je te souhaite une bonne fin de journée en te remerciant infiniment.